Je pars du principe que ce dont notre continent a besoin aujourd'hui, c'est essentiellement de trois choses. Premièrement, la transparence. Deuxièmement, la nécessité absolue de rendre compte lorsqu'on est un gouvernant. Et troisièmement, la participation de l'ensemble de la population à la vie politique nationale. Ce qui a été fait, ce qui a été proposé, c'est juste de faire en sorte que le parti ne soit plus un parti État. Mais le fait que le parti ne soit point un parti État ne nous assure ni de la transparence, ni de la nécessité de rendre compte, ni de la nécessité de la participation, qui sont les trois piliers, selon moi, de la démocratie. Je crois que la méthode qui consiste à demander aux partis de régler les problèmes de ce genre est une méthode qui est un peu viciée au départ. Vous ne pouvez pas demander à un parti de se faire harakiri et de se saborder. Le parti est une des institutions de la vie nationale. Je pense qu'il est indispensable qu'à côté, il y ait une institution, que l'on forme une conférence, appelons-la une conférence nationale, ou même une tribune où des forces vives de la nation, plus le parti, se retrouvent pour jeter les bases d'un renouveau politique au Togo. Il faut qu'émerge un véritable état de droit. Parmi les pays qui vont conserver leur chef d'État, il y a Madagascar. Dans la Grande Île, des élections présidentielles anticipées sont prévues en mars 1989. Deux mois avant cette échéance, le président Didier Ratsira, qui est en place depuis 14 ans, apprécie au micro de RFI la nature et le comportement de ses futurs adversaires.